قراءة القرآن. Donc la première des choses, c'est que ce passage-là se divise en deux. قراءة في رمضان. لأن ناش شهر رمضان هو شهر القرآن. فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته. وقد كان حال السلف العناية بكتاب الله. فكان جبريل عليه السلام يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. Les petits prédécesseurs, quand le mois du Ramadan arrivait, ils lisaient le Coran. Ils lisaient beaucoup le Coran. Celui qui sait lire le Coran, il doit lire le Coran. Celui qui ne sait pas lire, il écoute. Jibril alayhi salam, il venait justement pendant le mois du Ramadan où il enseignait le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière année avant sa mort, il était venu deux fois. Jibril alayhi salam. كان بعض السلف يختمون القرآن في كل ثلاثة ليال. Il y avait parmi les fidèles prédécesseurs, au bout de trois nuits, c'est-à-dire trois jours et trois nuits, bien sûr, ils terminaient le Coran en entier, ils le lisaient. وبعضهم في سبعين, et d'autres en sept jours. وبعضهم في عشر, et d'autres en dix jours. عليكم السلام ورحمة الله. وبعضهم في كل سبعين وبعضهم في كل عشر فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها. إليزي القرآن dans la prière, إليزي القرآن en dehors de la prière. C'est pas obligé que ça soit que dans la prière. En dehors de la prière, tu peux aussi lire le Coran, les choses qui est demandé, recommandé. وكان الزهري الزهري سبحان الله كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن. الزهري quand le mois du Ramadan arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait tous les autres livres, ta hadith, ta sira nabawiya, ta tarikh, ta tafsir, ou yaqra le Coran. Il lisait le Coran. Wa Sufyan al-Thawri radi Allahu anhu wa rahimahum Allah. Sufyan al-Thawri, qu'est-ce qu'il faisait? Idha dakhala Ramadan taraka jami' al-ibadat. Quand le mois du Ramadan arrive, il délaisse toute adoration. وأقبل على قراءة القرآن. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait le Coran. Dans ce deuxième point, il y a le bouquin. Il y a le fait de pleurer. Tout ce qui est le kalam Allah. Il y a le Coran, kalam Allah. Kalam Rabbi al-Alamin. Où est-ce qu'il l'a avec? D'avec qima. D'avec sha'an. Il t'a donné de l'importance, Allah subhanahu wa ta'ala, en te descendant ce mafha. En te descendant kalam. Il t'a donné de l'importance. C'est pour ça que quand tu lis, tu dois pleurer. Tu te dis, subhanallah, Rabbi, mon Seigneur, il est en train de s'adresser à moi. Où est-ce qu'il y a, Rabbi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. لن يكون من هدي السلف هدى القرآن هدى الشعر. Ça veut dire quoi? Ça ne fait pas partie des habitudes des pieux prédécesseurs de réciter le Coran rapidement. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Rahman, Rahim, Malik, بلا ما يفكر فيه, بلا ما يدبر فيه, بلا ما يبحث وش المعنى هذه. لا. كان لكل آية حقها. الحمد لله رب العالمين. لا الحمد لله. الرحمن الرحيم هو يسمع ذلك. في صوت السبب في قد يستطيع عندما كان يقرؤون القرآن يتدبرون ويتفكرون في معاني كلام رب العالمين. وإنما كانوا يتأثرون بكلام الله عز وجل. ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a demandé à عبد الله بن مسعود رضي الله عنه de lui lire le Coran. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه s'est étonné. Il s'est étonné. فقلت يعني عبد الله بن مسعود قال اقرأ عليك وعليك انزل. Tu veux que je te lise le Coran et c'est sur toi qu'il est descendu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان اسمعه من غيري. دي j'aime bien l'écouter mais d'autres qui من واحد غيري نحب نسمع القران من غيري. قال فقرات سوره النساء حتى اذا بلغت. Alors j'ai commencé à réciter sourate an-nisa jusqu'à que je suis arrivé à ce verset là. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Le verset de sourate an-nisa, le verset numéro 40. Dans son sens rapproché, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous nous ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc, c'est bon, yakfi. Faltafattu fa'ida aynahu tadrifan. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? quand Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il s'est arrêté de lire, il a regardé le prophète alayhi salatu wa sallam, il a vu Ar-Rasoul en train de pleurer. Ar-Rasoul yibki. Ar-Rasoul sallam yibki. Shkoun enta w shkoun ana bach ma nibkouch? Shkoun? Ar-Rasoul sallam yibki. Yisma' kalam Allah. Hna nisma'u kalam Allah, hna nadhahkou. Hna nisma'u kalam Allah, hna nal'abou. نسمعوا كلام الله ما نتحركوش، نسمعوا كلام الله ما ماشي لينا كذا، ما لا لا هذا لا غيري. On entend la parole d'Allah qui est récitée. Oh, c'est pas pour moi. On rigole, on joue, on s'amuse. C'est pour les autres qui est dit ici, c'est pas pour moi. أنت منهم. Tu fais partie des autres toi aussi. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ne rentrera pas en enfer celui qui a pleuré pour Allah سبحانه وتعالى. يبكى لله وماشي عيب بس تبكي احنا نقولوا غير مثلا يبكوا لا حتى رجال الصحابه رضي الله عنهم اللي حتى حمدت هكذاك ويبكوا لله سبحانه وتعالى لي كومبانيون دو بروفيت صلى الله عليه وسلم ils avaient des grandes barbes jusqu'ici ils pleuraient comme des petites filles quand le Coran était récité يبكى ماشي غير الانثى الرجال كانوا يبكوا ولكن ما يبكوش لحاجه تاع الدنيا يبكوا لحاجه تاع الصح ils pleurent pourquoi ils pleurent pour des choses vraies le Coran c'est normal le cœur il s'attendrit بذكر الله وهو القرآن. Cinquièmement, الجلوس في المساجد حتى تطلع الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء أي الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس. Il est conseillé pour celui qui peut le faire bien sûr de s'asseoir à la mosquée après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم le faisait. Allahu muslim. وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة أي صلى الفجر في الجماعة ماشي في بيتك في الجماعة ولا مسكي ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة هذا في كل الأيام فكيف بأيام رمضان. Le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui fait deux rak'at après s'être assis après la prière du Fajr, quand le soleil, il y a eu le lever du soleil, il a fait la kartine, c'est comme s'il avait fait un hajj et une umra, la même récompense que le hajj et la umra. Ça c'est en dehors des jours du mois du Ramadan. Alors qu'est-ce qu'on doit dire quand c'est pendant le mois du Ramadan? Wa kadhalika al-i'tikaf wa al-umra fi Ramadan. التحري ليلة القدر الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار في الحقيقة احنا ما عندناش بزاف الوقت رانا دايما نحاولوا نزربوا شوية ولكن الله غالب لو كان نبدا نزرب قالت لما قلتوا ما نقولوش سمحوا لي ربما راني نخذ بزاف الوقت ولكن كان أحكام وأمور خاصة في رمضان إن شاء الله كي ناخذ من رمضان الخطب تاعنا يكونوا قصار ولكن في رمضان كان أمور ومازال ما كملش كان حويج رانا نحيطهم لان علاش الوقت ضيق ها بديت قبلها وقت صلاة الفجر جي دي كيل فو ميسكوزي سي جو بران بوكو دو تان سي كو باسكو بوندون لو مودي رمضان يا بوكو دو شوز ا دير بوكو دو ريغل ا سافوار بوكو دو لوا ا كونيتر سور سو موا لا ان دور دو مودي رمضان لا خطبة سيكرا بلو بوتيت اي بلو كورت سا جو لو سي جي كونسيونس جو سي كو جي بري بوكو دو تان جو لو سي Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne peuvent pas trop s'asseoir, je le sais. Voilà qu'il y a des choses qui sont importantes. Et malheureusement, si je fais par exemple une khutbah de 20 minutes ou 25 minutes, je n'aurai pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Allahumma rabbana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-salah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك ورب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et pour ceux qui veulent plus de science, tiré uniquement du Coran et de la Sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des deux prédécesseurs, Salaf Salih, allez sur notre site internet, da'wa.com, www.darwa.com. Vous y retrouvez de très nombreuses cassettes audio,